Il disait que nous étions obligés de suivre notre programmation. Oui, ben c'est qu'il n'y a rien d'autre. Dans le sens, vous pouvez, si au niveau de votre intégration, vous faites sauter une programmation, vous tombez dans une autre programmation, mais qui est plus. Sinon, il n'y aurait pas d'évolution. Il n'y aurait pas de loi évolutive. Il n'y aurait pas sorti de l'évolution. Mais tout est programme. Le plan matériel, au niveau des lois cristallines de l'architecture de l'énergie, il n'y a pas le choix d'être une forme de cybernétique autorégulée. Il y a des lois. Des lois. C'est dans ce sens-là, moi, à mes yeux. Donc,